de Silo Hind à Brezonnec. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonnec. Henri, on se retrouve, Henri Le Naou, pour l'émission Hint à Brezonnec. Kentel Pemkan, Heiz à Trégonde. 538. Ça va, Henri? Ça va, très bien. Neus que d'Aglem. Gary Warvue, c'est toujours la première partie. Et là, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en breton. Hein. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais que j'avais pas encore traité. J'avais traité Brezonnec. Mais pas yes, yes, hein, donc yes, qui est le mot qui désigne la langue. Alors c'est un mot un peu savant, quoi, hein, parce que quand j'étais gamin, j'ai jamais entendu ce mot-là employé dans la conversation. Hein. On disait langage, hein, ou brezonnec, mais... Ah oui, j'ai jamais pensé à ça, ouais. Ouais, c'est pas un mot courant, en fait. C'était pas un mot dans la conversation, non. C'était pas un mot courant. Par contre, on le trouvait déjà dans les poèmes, dans les chansons, hein, par exemple. Dans le Brogoz, hein, Iyez zo bopret ken beo abiskoas, Iyez zo bopret ken beo abiskoas. Hein, la langue est toujours aussi vivante, hein, dans le Brogoz. Voilà, donc c'est un mot, alors c'est un mot celtique, hein, qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, hein, pas écrit de la même façon, hein, mais prononcé de la même façon. Voilà, donc c'est une langue, hein. Donc il y a beaucoup de langues sur la Terre, hein. Il y en a à peu près 6000, hein. Voilà. Alors, il y en a quand même de moins en moins. Oui, il y a une perte, oui. Bien sûr, oui, il y a une perte, oui. Voilà, c'est certain, il y a des langues qui disparaissent pratiquement tous les jours, hein. Voilà. Et alors, c'est en breton, on distingue la langue parlée et puis la langue, l'organe, hein, c'est une tiode, l'organe. Nous, on disait l'ardienne. Hein. Ah bon? L'ardienne, hein, pour la langue, l'organe, oui. C'est tiode, le mot tiode est connu quand même. Hein. Voilà, donc c'est un mot féminin, c'est pour ça qu'on dit diouillez, hein, les associations autour des écoles bilingues. Hein. Voilà. Les parents ont parfois beaucoup de mal à prononcer. On entend Diviez. Ouais, Diviez, oui. Ouais, ouais. Et donc, c'est un pluriel régulier qui est Yezou. Hein, donc, Yezou RP, par exemple, les langues du monde. Voilà. Alors, il y a beaucoup de dérivés, il y a beaucoup d'expressions, hein, dans lesquelles on va trouver ça. Par exemple, Yezorvro, la langue du pays. Ou Yezontadoukos, on trouve ça souvent dans les chansons, la langue de nos pères, de nos ancêtres. Yezvam, la langue maternelle. Yezendut, hein, voilà. Alors comme il y a Yezendut, il y a Yezelonde aussi dans les contes, hein, la langue des animaux. Yezeluam, par exemple, la langue du renard. Yezheger, la langue des chats. Les chats ont toute une expression, hein. Voilà. Ranyez, donc c'est un dialecte, hein, en breton on compte 4, hein, théoriquement en fait c'est plus compliqué que ça, mais KLT et Gwenedour, hein, donc Kerné, Léon, Trégor et Gwenedour, hein, ou Gwenedoc aussi on dit, hein, pour le Vante. L'adjectif Ranyez, hein, donc dialectal. Et puis des mots plus savants, hein, de Ranyez, là, Ranyez-Eges, hein, pour l'étude des langues, hein, des dialectes. Hein. Voilà, oui, Rand, ça veut dire une subdivision. Hein. On aura l'occasion de parler de ce mot-là. Alors les langues en breton, en général, quand on parle d'une langue, on a le suffixe aigue, hein, par exemple galeg, galoeg, euskareg, le basque, occitaneg, l'occitan, italianeg, zozneg, je l'ai dit, hein, l'anglais, esperanteg, l'espéranto. Voilà. Alors, il y a une habitude aussi, maintenant, de désigner par un nom de personne. Par exemple, on parle de la langue de Molière, hein, Yez Molière. On en a parlé dernièrement. Ça me fait toujours rigoler, l'histoire de la langue de Molière, parce que le pauvre Molière, je pense qu'il aurait du mal à comprendre le jargon actuel. Il serait vite burn-out, le malheureux. Voilà. Alors, Yez Aesop, hein, la langue d'Aesop pour le grec. Yez Shakespeare, hein, pour l'anglais. Yez Goethe pour l'allemand. Yez Tolstoï pour le russe, voilà. Hein. Yez Cervantes pour l'espagnol. Et puis alors, pour le breton, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, Yez Père Jacques Elias. Ah. Oui, la langue de Père Jacques Elias. Voilà, qui est quand même un des bretonnants les plus célèbres. Voilà, alors des mots dérivés de Yez. Yez Onyour, hein, pour un linguiste. Hein. Yez Ourus. Yez Onyiz, pour la linguistique. Hein. Voilà, Yezel, qui, linguistique, hein, qui correspond à une langue. Voilà, ou Liaisonel. Voilà, donc... Ben, je pense qu'on a fait un petit tour sur la langue. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion d'en reparler. On passe à la seconde partie maintenant. Brezhoneg tamm ha tamm. Et dans ce Brezhoneg tamm ha tamm, c'est Job Nedelec qui est interviewé par Chanik, c'est ça Henri? Oui, voilà. Alors rappelle-nous, Job Nedelec, il s'occupe de plein de choses parce qu'il est, oui, il est instituteur en retraite. C'est l'ancien instituteur qui est en retraite et qui s'occupe d'une association qui s'appelle Blue New Zontolog. Qui est à Zontolog, bien sûr. Qui est à Zontolog et qui fait pas mal de choses. Ça fait un moment que ça existe. Hein. Oui, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Et donc là, il s'agit d'une promenade, d'une balade hein, qui est organisée pour les gens quoi, qui veulent visiter un peu le pays. Quoi. Chanik, salut Job. Klevet meus et vos grettes prestiques, arvale aden bazan tolek, gure? Ja, Chanik, ben des saden et vos grettes. Ose des bêtes gant bleu nous en tolek, a gant tut bugale et skol. A petra vos grettes ne he. De diantan arvale aden tro dro de zan tolek. Ou à l'air Christé, hein, ou à Rolé Hunter. Lé Hunter. Ya, ou à Kilomène, ma peuswane. Valé Adens, Gas ou Endut, ou à Gwenogen, ou à Barus. Aba, Milin Kervakal, voyez de Bonnard et Vitor Isère Adendut. Ou à l'air Valé Aden, vous tombrezegen, quand y en du, une autre personne, ni ou à Chapel, la Gistor, Orvro. A Wallerze, vous voyez de bon. Rois? Ya, mais des voix jouent scan, des voix jouent hebalcol, des voix jouent vrais, puis au bonheur café. A goudézé, un du de halochom de zibi war blassen, bouet de zevro, et vel juste. a goud e kouan, vo zonadeg ba chapel zan, zan dernin pe l'arin mad, ya, gant zon erien, gant erien deus evro. Hag ur chapel vo tomet, hag evit e chui, vo grell an tamm fez noz, ma ve bra an amzer. Ma tre job, chans va tor gant an amzer. Voilà. Et voilà, on reprend phrase à phrase ce dialogue. Je ne suis pas persuadé, Henri, qu'on ait exactement le même texte, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Mais c'est une photocopieuse facétieuse. C'est ça, c'est Henri qui recopie, jamais la même chose sur nos deux feuilles. C'est ça qui est formidable. Salut, Job, clé avec me, ce vos grettes prestées, car Valéaden, Bazantole. Guiré. Oui, alors bonjour, Job. J'ai entendu qu'il y aura bientôt une promenade à Zantole. Est-ce que c'est vrai, Guiré? Ya, Chanik. Mais dis ça dans nos tons et vos grettes. Oui, samedi qui vient. A vous aider gant Bleu-News en Tolek, à gant Tud Bugaler School. Voilà, alors c'est fait par, c'est organisé par Bleu-News en Tolek, hein, donc qui est l'association de Jom Nédéleg, là, dont Jom Nédéleg est le président, et par les parents d'élèves de l'école. Petra Vaugret, Nering. Et qu'est-ce qui sera fait, donc, Petra Vaugret, hein, qu'est-ce qui sera fait alors? Da gentañ ar Valeaden trodro de Zantolek, trodro de Zantolek. Oui, d'abord une promenade autour de Zantolek. De der ur war l'air krechte. À 3h de l'après-midi. War Leanter. Sur une lieue et demie. Leanter. Oui, alors elle s'étonne de l'emploi de cette mesure. Ya, roer kilomètre, ma peut se rendre. Oui, 6 kilomètres, si vous préférez. Ur Valeaden ze, hag azo an dut, war gweno geno avro. Oui, cette promenade hein, emmènera les gens sur les chemins du, de la paroisse, enfin, j'allais dire de la paroisse de la commune, hein. Mais c'est le même mot en breton, Urbarous. Hein. War gweno geno Urbarous. Ah bah, Milin Karma Margal, et vous, Hevet, Urbanor, vit Terry Zered an dut. Et ah bah, Milin Kermakal, donc au moulin de Kermakal, hein, dont on parle souvent d'ailleurs, hein, on boira un coup, et vous, Hevet Urbanor, un coup sera bu, c'est une forme passive, hein. Voilà, pour casser la soif des gens. War l'air ar Valeaden et vous, un temps brésegen, gant iwan an dut. Après la promenade, il y aura une petite conférence, hein, une petite causerie par Iwan Lundu. Un autre personne. Donc le recteur de la paroisse. Diwarben, ar chapelle à Guistoravro. Au sujet, hein, Diwarben, au sujet de la chapelle et de l'histoire du pays. À Walerse et vos Evederbar. Et après ça, on boira un coup. Roas. Alors elle s'étonne, Roas, encore. Ya, mais elle va jusqu'en, et pas alcool. Voilà, oui, mais des boissons légères, sans alcool. Elle va jouer fresque. Voilà. Per bonheur café, per bord café. Voilà, des boissons fraîches ou un peu de café, quoi. A goudézé, on dut d'arrelo, chôme, d'un zibi, war an dachen. Et ensuite, les gens pourront rester manger sur place. Bouette de Zervro, vel juste. Voilà, de la nourriture du pays, bien sûr, bouette de Zervro. À goût des coins, et voir son adec, bah, chapelle zanterne, quand on rien, à son rien de Zervro. Et après, donc, après le dîner, il y aura un concert dans la chapelle Saint-Ernin, c'est la chapelle de Zanto, là, avec des sonneurs et des chanteurs du pays. Hag ar chapelle à vos tomettes. Et la chapelle sera chauffée. Oui, parce que l'autre fois, ils avaient eu un petit peu froid, les gens. Hag evit echu et vos grèdes en tamm fesnoz. M'avez brao an amzer. Oui, et pour terminer, on fera un petit fesnoz s'il fait beau. Matré, Job, chance va d'or gant an amzer. Oui, bonne chance avec le temps. Thank you. Petra zo neve ar vro e ri. Ben, kal se trao zo neve ba vro, po ar vej diou san. Krogom de diantan a vel kiz a custum gant la bour douar hag ur vue war ar mez. E ben, eru e neve amzor. Ya. Pe dur hudu om hen Roland hag eru e neve amzor. Ne ke gwal dom da feze. Ah non. Na vel zo yin oas. Med eidom ba neve amzor. Hag bon tram de diel gwan pe la rinba ne ke bere rust ne ske be me den tolav el zeus zo be do gwal dolav el an gre istout an me ne ke tramenet me ne bewar med blas ou vel ba tiar grist a pel ar dun ba gron vel ya pol ya ya zo be de kal se trau distru jetan Bon, c'est tu as résolu de ne pas dire au clouar, quoi le vigeait, bah la fait nous mêler nos halou, bah la résolue, quoi le de tiens, on résolue la citrine galac, mais la révèle en une yette gueuse. Bon, Claude veut neuf de docane, après si tu veux une quoi de classe que un temps l'air de d'Oronis, à la bourrade rendue de bah parquer, vide de aux en un douar vidor un très la cadence très vadou avec leur maïs et leur betterave et yord voilà après on comme de ce la bourdoua bonne cudé nous au grand lèse un goût de rhum hein, grande prise lèse à que on ne va de labourer un douar ne scrou de en usine évée un stade là pour névée bah très morel Dreyer Sika, un peu le pesé, le clève me s'en a. Orbit Feldau de Sé. Agaris de Sgredor. Or Sika, vit de l'aise l'éthique. Puis sa mauvaise larme, l'éthique. L'éthique. L'éthique, ya. Fait le Lévi Yangou. Ya, ya. Ya, ya. Agaris de Sgredor, d'Or Sika, ma spirit opérative, j'ai qu'être. Ma plavez you hunter quand, ou abézard votre coopérative 10. Le trieux, la Pellemoise, Baspire, on voit ce vipip d'in, mais de l'opérative, de ce cresque d'Auberne, de l'Espire, de l'Obicole d'Ontom, vraiment, de l'Iratkoui, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, de l'Espire, Hopper, ne se grède au Nemglev, gant or strolade zo rang de New Hope, l'huin, a zo de ze brochina, vid or on usine, vid or wardro kig mor. Hag pu dur ba chine, vedeb kalz vor, nantor de ze... Nander de ze mor zo war ar bed, zo produit de ba brochine. Hag nander de ze mor a hamez de ze repas a de brochine ive. Setu pereg bon zo goulen war a mor, mar a de mor zo un tam gwell ar bremañ, dre graz juzma de tud brochine. Mais ma trezen le bardo ke ze ne ke zur, bardo ma ve gret mur an mor ma... Babrochina. Bon, Memestra, bon, cudé, nous au, balar, bourdoir, mais Memestra, les au calze dut, calze rayo, en non stallion, voire fermio, en vro. Puis du reblanc, mais au bé de canatré gondine, yo, en non stallié, voire département de Nodo Narvo, spendu, warland et wabé, wardro, can. À bon peu au cas de Vigal et bah scolio là pour douar hein et le bacernilien puis bah pomrite hein à une speed non installé cas né de speed non installant voire faire mieux bon dans mon temps voir dash et nendro hunter comme l'assaut ou être de vons un douar de vons un dour vons un mort puis la rimade ou être un torré canyon Dans les chiens, on voit biscuit, calzioulmen, ou à nodo. Jongemeuse de sim, ou à montargi de houls, bano. Rome stud, ivano scola, bourdoua. Ag, moi, m'clève, dis, ou à repos bien. ou avait de strac de Torre Canyon à Roas, de un des audiens tant vigilard du jet que deux de Newman Beta Braisom, puis du roi va bâtir Never, mais de au mise ou à l'air, ouais, Newman ou Arnaud ou Braisom, ou avait de cal de strac du Ganzé, puis genre, puis du roi avait bien tant de ou l'inf du vigilard. Valère Soubériel, mais de Hulse, ou à quatre. Bon. Va mise du de Villepem, ce qui devra ton toaster de Zambre, vraiment, de ce nom, j'aurais vraiment. Ou à B de Hop, au nom noir Nugen, bah Paris, ou à B de Nemglev, ou à ce que l'homme sort. Vraiment, quand il y a des belles Nemglev, ce, puis sur l'Américain, les occasions dans le Mess. Hob au nom noir Nugen, il y a Waller, vous avez donné le Marrakech, a gagné vaisseau au Bécred au nom, bah, au nom bien, alors mon temps, me sera, bah, sans mal, ou me sera, ou à seis scans de dude, guiré à braise au calz dude au classe, voir une énergie, c'est à couir, nerz un novel, nerz un gnoll, nerz un mot, un ez un méthane. Bon, quand se trouve les de Brice ou un Dachens. Puis on a compte de son énergie, soit l'assaut ou à Bedstrak de Fukushima, un des grises nucléaires, avec bon drogue ou à Bed Tchernobyl déjà. C'est une bonne, vraiment ma treize, ma province, vos 10 ans de grises Fessenheim, mais bon, n'a que quoi le vous n'y trouve. Que vit désirent Fessenheim vous très grand de la pour Vélard, très grand de la lampe pour mes pelmures y aura puis on peut végouer les babrinilis puis dire il veut là que l'année que mes longtemps gris une main avait là tel Fessenheim bon vidons longtemps voir d'âge une économie vidons main grain à vraiment soubé de grès au Niger des indications géographiques. Granit de Bretagne. Casez au bouez, vu de l'économie esbrace, puis du réseau. Quand un breguer est au labour à voir main grain, Azira et Iskandin au labour à voir zé, quoi. Bon, ma treize vos moyens de labour à mur quand main grain brace, à passe de Rendigas main grain de ze Chine et de ze l'Erel. Me sera fait bima de. Dit voilà, de par où je trouve à droite, la bourrade grand main de Zevrou. Bon, comme ça, on tombe de Zevrou politique, il reste vraiment. Puis, on comme de se déablai, Trugum Vlasso ou Abézine de Emglevrom, Zewa de Bemboar Nugen or Mismers, Ag, doit Bézine de Emglevrom, grand de Werbro. Bon Allemagne, bon Italie, bon France, avec un tribo, un tervro, peut la rien mettre, deux heures Benelux, ouais, Belgia, Broyoise, la Luxembourg. Rog, ouais, Bégrède, on aime Glaive, hein, bah, là, on en a Hunter-Kand, ouais, Bégrède, on aime Glaive, puis de, un dir, avec Glow, voilà, c'est quoi, quoi. Que bon, Zizobedo a vraiment gueule à Rome, Trugen là ou à l'air, Pessamo de mon compte, case d'études au case dans le mes de ce beau Europa déjà, et Brozos au ton de on rond de son mes. Wardash et leur politique, reçoit Christian Troidec, ne ce que gale cave ou de Isinaturio, à cette UE de mes, n'allo que mon noir à rinque. Vide bout de président de la République. C'est une autre cas, je dis, au Tiven Bénéfine, Ménos, Yorandro, Masson, Locorangbe, Jacobine, tout le monde. Dissement revu. Dans mon temps, moi, Dash, Zévenadur, Miss Meurs, Zo, quasi trémé, vraiment, Zo, Mémiseurier, Zo, Ebreis, Zo, Bégret, Kals, Zedra, Ebreisonneux, Ag Gallo, Gon, Tom, Bebler. Quand on a Bob Zobid, bah Melcarez à Bacaravan, à Bamisible, vous, Vidorvich Diouzan, bah Pondi, qu'ils accustument. Vichon, moi, Dash et Nazé Venadur, or plat,